La terre eut peur qu'elle ne passât sans qu'il lui fût possible de causer avec elle. Elle en avait envie de pleurer. Aussi bien n'y a-t-il pas de quoi rire lorsque l'on a, durant 300 ans, désiré causer avec quelqu'un, de n'en pas même avoir un bonjour. « Ohé, comète ! » cria-t-elle sur le ton le plus piteux. « Tu ne voudras pas passer devant ma porte sans me saluer ? Je suis ta vieille amie, la terre ! Ne te souviens-tu pas de moi ? Tu viens de faire des millions de lieues. N'est-ce pas que, comme je t'en ai prévenu, tu n'as rien vu de pareil à moi ?»« Peu ! » dit la comète. « Quoi ? » dit la terre incrédule. « Je voudrais bien savoir quelque chose de ton voyage. Au reste, pour le moment, je me réjouis que tu n'aies pas perdu la parole. Voyons, compte un peu. Me feras-tu croire que nulle part dans l'espace tu aies pu trouver des mers aux eaux si profondes et si fraîches, d'aussi belles forêts de hêtres, des palmiers aussi élancés ?»« Oh ! » fit la comète. « Et les hommes, hein ?» demanda la terre. « La comète riait si fort que sa tête et sa queue en étaient secouées et que la terre commençait à être choquée pour tout de bon. Elle chercha si elle ne pourrait pas trouver quelque chose qui en imposât à la comète, et elle lui demanda d'un ton sardonique « Et il y avait apparemment aussi des ignorants, hein ?» La comète eut un tel éclat de rire qu'une de ses queues se détacha. La terre en fut tout effrayée, et les savants qui regardaient dans leurs lunettes en restèrent abasourdis, car ils n'avaient jamais vu rien de pareil. Cependant, la comète continuait à rire sans pouvoir s'arrêter. Et sa seconde queue s'en fut, puis la troisième, et elle-même se fendit en zigzag. Tout l'espace fut rempli de flamèches qui volaient à droite et à gauche. Une ou deux tombèrent sur la terre, pareilles à de grosses pierres, et une en particulier cassa la tête à un savant et l'aplatit comme une crêpe, lui et sa lunette. Quand ce prodigieux feu d'artifice se fut éteint, impossible de trouver trace de la comète. « Elle a crevé d'orgueil, » dit la terre. « Il est fâcheux qu'elle soit morte avant de m'avoir conté ce qu'elle vit dans son voyage. »« Oui, tu aurais eu pas mal de choses à apprendre, » dit la lune en grimaçant, car elle était encore pleine. « Marche, » répondit rudement la terre. « Silence, et qu'on fasse sa tâche. 13 tours autour de moi pour chaque fois que je tourne autour du soleil. Sinon, il y aura du grabuge dans l'almanach. » Fin de La Terre et la Comète par Karl Ewald. Enregistré par Ezoa en Belgique en juin 2010.